Tout le reste de Madame de K. Il est possible que vous connaissiez Madame de K. Je vous en féliciterai, car c'est une bien remarquable personne. Son visage est joli, mais on ne dit point d'elle, mon Dieu, la jolie femme. On dit Madame de K, ah, sac à papier, la belle femme. Sentez-vous la nuance, et elle est facile à saisir. Ce qui charme en elle, c'est bien moins ce qu'on voit que ce que l'on devine. Ah, sac à papier, la belle femme. Cela se dit après le repas, lorsque l'on a dîné chez elle, et que son mari, qui est malheureusement d'une santé chancelante et ne fume pas, est allé chercher des cigares dans son petit meuble. On dit cela assez bas, comme en confidence, mais dans la discrétion même que l'on affecte, il est facile de lire chez chacun des convives une conviction profonde. Ces dames qui sont au salon ne se doutent vraiment pas assez de la liberté charmante qui caractérise les causeries de ces messieurs lorsqu'ils s'en vont dans le fumoir déguster leurs cigares en prenant le café. Oui, oui, c'est une bien belle personne. Ah, fichtre, opulente beauté, opulente! Mais c'est ce pauvre de K qui me tourmente. Il ne se remet pas, savez-vous. Cela ne vous inquiète pas, docteur ? Tout le monde sourit imperceptiblement à l'idée que ce pauvre de K, qui est allé chercher des cigares, dépérit visiblement, tandis que sa femme va si bien. Il n'est pas raisonnable, il travaille trop. Moi, je le lui ai dit, sa direction au ministère, merci, je ne prends jamais de sucre. C'est sérieux, savez-vous, car enfin, il n'est pas solide. Hasarde gravement un convive qui se pince les lèvres pour ne pas rire. Je trouve même que depuis l'an dernier, sa beauté est plus complète, dit un petit monsieur tout en remuant son café. La beauté de Deca, je ne trouve pas. Je ne dis pas cela. Permettez, mais si, n'est-ce pas, docteur ? Parbleu, comment donc ? Distinguons. Ah ah ah ! Et on éclate de ce bon rire qu'affectionnent les gens qui digèrent. La glace est rompue, l'on se rapproche les uns des autres et l'on poursuit à voix basse. C'est le coup qui est remarquable. Tout à l'heure, elle s'est détournée. Ce coup était sculptural. Le cou, et les mains, et les bras, et les épaules. L'avez-vous vu au bal de Léon il y a 15 jours ? Une reine, mon cher, une impératrice romaine. Voyez-vous, le cou, les épaules, les bras, et tout le reste ? Hasarde quelqu'un en regardant dans sa tasse. On rit beaucoup. Et cet excellent de cas arrive avec une boîte de cigares de forme exceptionnelle. « Ceci, mes amis, dit-il en toussant un peu, je vous prie de les fumer avec recueillement. » Nouvel éclat de rire causé par tout ce reste qui est resté dans l'esprit de chacun. J'ai souvent dîné chez mon ami de cas, et j'ai toujours, ou presque toujours, entendu, après le dîner, une conversation analogue à la précédente. Mais j'avoue que le soir où j'entendis le mot impertinent de ce monsieur, je fus particulièrement choqué. Premièrement parce que de K est mon ami, et en second lieu parce que je ne peux pas souffrir les gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Moi seul à Paris, j'ose le dire, connais à fond la question et je... Oui, moi seul, et le compte est facile à faire. Paul et son frère sont en Angleterre. Ernest est consul en Amérique. Quant à Léon, il est ailleurs, dans sa petite sous-préfecture. Vous voyez donc que je suis en toute vérité le seul à Paris qui puisse... Mais quoi, monsieur Z ? Mais vous plaisantez ? Expliquez-vous, où voulez-vous en venir ? Prétendez-vous que madame de K... Ah, mon Dieu, mais c'est d'une inconvenance ! Rien, rien, je suis absurde. Mettez que je n'ai rien dit, mesdames. Nous allons causer d'autre chose. Comment ai-je eu l'idée de parler de tout ce reste ? Parlons d'autre chose. C'était par une belle matinée de printemps, la pluie tombait par torrents et le vent du nord soufflait avec fureur. Lorsque la jeune personne, plus morte que vive, au fait, je sens que je ne m'en sortirai pas. Mieux vaut tout dire, seulement jurez-moi d'être discret. Parole d'honneur ? Eh bien, voici la chose. Je suis, je le répète, le seul homme à Paris qui puisse parler en connaissance de cause de tout le reste de Madame de K. Il y a un certain nombre d'années, ne précipitons rien, j'avais un ami intime, chez lequel nous nous réunissions le soir. En été, la fenêtre restait ouverte, et à la lueur de nos cigares, nous restions là, étalés dans nos fauteuils et causant à l'aventure. Or, un soir que nous causions pisciculture, Tous ces détails me sont encore présents. Nous entendîmes les accords d'un clavecin puissant, et bientôt après, les notes hardies d'une voix plus énergique qu'harmonieuse, je dois le dire. « Tiens, elle a changé ses heures, » fit Paul en regardant une des fenêtres de la maison qui était en face. « Qui est-ce qui a changé ses heures, cher ami ?»« Ma voisine, parbleu. Forte voix. Qu'est-ce que vous en dites ?»« Ordinairement, elle vocalise le matin. J'aimais mieux cela. C'était à l'heure de ma promenade. » Instinctivement, je tournai les yeux vers la fenêtre éclairée, et à travers les rideaux qui étaient baissés, j'aperçus distinctement une femme vêtue de blanc, les cheveux dénoués et s'agitant devant son instrument comme une personne qui se sait seule et se livre à son inspiration. « Mon Fernand part, va chercher la gloire. Ouah, ouah, ouah, ouah » chantait-elle à pleine poitrine. Le chant me parut médiocre, mais la chanteuse, en déshabillé de nuit, m'intéressa beaucoup. « Messieurs, dis-je, il me paraît y avoir derrière ce fragile tissu, je faisais allusion au rideau, une bien belle personne. Veuillez éteindre vos cigares, la lueur pourrait trahir notre présence et troubler la chanteuse. » Immédiatement, on abandonna les cigares, on ferma même la fenêtre presque complètement pour plus de sûreté, et nous nous mîmes en observation. Ce n'était pas, je le sais, d'une discrétion absolue. Mais que diable voulez-vous, nous étions jeunes, tous les cinq célibataires, et puis, en fin de compte, cher lecteur, n'en auriez-vous pas fait autant que nous ? Lorsque la romance fut terminée, la chanteuse se leva. Il faisait extrêmement chaud, et son vêtement devait être bien léger, car la lumière qui se trouvait au fond de la chambre en traversait le tissu. C'était l'un de ces longs vêtements qui tombent jusqu'aux pieds et que l'usage réserve pour la nuit. Souvent une dentelle ou un feston précieux en garnissent le contour supérieur, les manches en sont larges, les plis en sont longs, flottants, et d'ordinaire exhalent un parfum d'ambre ou de violette. Mais peut-être connaissez-vous ce vêtement-là comme moi. La belle s'approcha de la glace et il nous sembla qu'elle contemplait son visage. Puis elle leva les bras en l'air, et dans le gracieux mouvement qu'elle fit, sa manche, qui n'était point boutonnée et fort large, glissa de son beau bras rond dont nous aperçûmes distinctement le contour. « Bigre !» s'écria Paul d'une voix étouffée, mais il n'en put dire davantage. La chanteuse alors réunit dans ses deux mains sa chevelure qui tombait très bas et la tordit en l'air comme font les laveuses. Sa tête, que nous voyons de profil, était un peu penchée en avant, et ses épaules, que le mouvement de ses bras rejetait en arrière, rendaient plus saillants et plus nets les contours d'une poitrine ample et sans faiblesse. « Du marbre, du paros !» murmurait Paul. « Oh, Cypris, si terré, pas fiant !»« Mais tais-toi donc, animal !» Il semblait vraiment que la flamme de la bougie comprît le plaisir que nous éprouvions et prit à cœur de préciser notre admiration. Placée derrière la belle chanteuse, elle éclairait si habilement les choses que le grand vêtement aux longs plis ressemblait à ces vapeurs légères qui voient l'horizon sans le cacher, et qu'en un mot, l'imagination la plus curieuse eût été désarmée par tant de complaisance et se fût écriée « C'est bien !» Bientôt la belle s'achemina vers son lit, s'assit dans un petit fauteuil fort bas où elle s'étendit à son aise, et elle resta là quelques instants, les bras réunis au-dessus de sa tête et les jambes allongées. Puis minuit sonna lentement, nous la vîmes prendre sa jambe droite, la soulever sur sa jambe gauche, et nous nous aperçûmes qu'elle n'était point déchaussée. Mais que sert de m'en demander davantage ? Ces souvenirs me troublent, et quoiqu'ils me soient restés bien présents à l'esprit, bien présents, je puis le dire, j'éprouve comme un embarras mêlé de pudeur à vous les raconter tout au long. D'ailleurs, au moment où, écartant les plis de sa couche, elle se préparait sans doute à y entrer, la bougie s'éteignit. Le lendemain, vers les 10 heures du soir, nous nous retrouvâmes tous les cinq chez Paul. 4 d'entre nous avaient leur lorgnette dans la poche. Comme la veille, la belle chanteuse se mit à son piano, puis procéda lentement à sa toilette de nuit. Même grâce, même charme, mais lorsque nous arrivâmes au moment fatal où la veille la bougie s'était éteinte, un léger frisson passa au milieu de nous. En vérité, pour ma part, je tremblais. Fort heureusement, le ciel était pour nous, la bougie resta allumée. La jeune femme, alors, d'une main charmante, dont nous distinguions facilement les détails grassouillets, caressa l'oreiller, le tapota, le disposa avec mille précautions câlines dans lesquelles on devinait cette pensée « Avec quel bonheur je vais enfoncer ma tête là-dedans !» Puis elle fit disparaître les petits plis de la couche dont le contact aurait pu la blesser et se soulevant sur son bras droit, ainsi que fait un écuyer qui veut se mettre en selle, nous vîmes son genou gauche, brillant et poli comme le marbre, s'enfoncer lentement. Il nous sembla entendre comme un craquement, mais ce craquement semblait joyeux. L'apparition fut rapide, trop rapide hélas, et ce fut dans une sorte de confusion délicieuse que nous aperçûmes une jambe rondelette, éclatante de blancheur, se débattant dans la soie du couvre-pied. Le vêtement de nuit, s'oubliant lui-même, voltigea un instant, puis se tendit avec effort sous les saillies puissantes d'un modelé inflexible, ainsi qu'au souffle de la brise, la grande voile qui flottait d'abord se gonfle, se tend, résiste et semble une sphère énorme, prête à se déchirer. Enfin, tout rentra dans le calme, et c'est à peine si nous pûmes distinguer un petit pied rose et poli qui, n'ayant pas sommeil, flânait encore en dehors et agaçait la soie. Délicieux souvenir de ma riante jeunesse, ma plume grince, mon papier semble rougir comme celui des marchandes d'oranges. Je crois que j'en ai trop dit. J'appris à quelque temps de là que mon ami de K se mariait et, chose singulière, épousait précisément cette belle personne que je connaissais si bien. « L'adorable femme » m'écriai-je un jour. « Vous la connaissez donc ? » me dit-on. « Moi, non, pas le moins du monde. Mais alors ?»« Oui, non, permettez, je l'ai aperçue une fois à la grand-messe. »« Elle n'est point fort jolie, » me fit-on remarquer. « De visage, » répondis-je, et à part moi, je disais, « Oui, de visage, mais tout le reste. » Il n'en est pas moins vrai que depuis bien longtemps, ce secret m'étouffe. Et si je me décide aujourd'hui à vous en faire l'aveu, c'est que ma conscience en sera, ce me semble, plus calme. Mais, pour l'amour de Dieu, n'ébruitez pas la chose. »